tes amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours, moulin des amours, mon cœur a dansé sur tes éternelles, sans même y penser, mon cœur a dansé. Ah mon Dieu, elle est bien jolie, ses yeux qui valsent dans le mien, on s'aimait jusqu'à la folie, et cet amour te perspire de mots de bonheur, chanteur sur tes ailes, de mots de bonheur, simple comme mon cœur. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi chérie, que c'est pour la vie. Que le monde a dansé. Que de monde a dansé, que de fois on a répété, ces mots qui chantent dans mon cœur, et pourtant y rester, de tas de rêves, de bonheur, ensemble, moulin.